France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est la panique en direct du Mangin Palace, épisode 183. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 13 décembre 2009, 11h05. Bonjour à toi, l'ami! Alors, avant tout, cette semaine, tu es curieux peut-être de savoir jusqu'où on va supprimer l'histoire géo. On commence par la polémique autour de la suppression des cours d'histoire en terminale scientifique, une mesure qui ne s'arrête pas là, puisque le gouvernement a décidé également de supprimer l'histoire en Conseil des ministres. Alors, on oublie qu'on a fait venir les immigrés dans les années 50 pour reconstruire le pays. Oui, on oublie qu'on les a fait venir dans les années 60 pour travailler dans nos usines aussi. Et on oublie qu'ils se sont battus à nos côtés pendant les deux grandes guerres. On oublie qu'on les a parqués dans des cités dortoirs et surtout, on oublie qu'ils sont nés en France. Ah, ça fait une bonne partie du programme d'histoire supprimé quand même. Oui, ce matin, l'ami, tu es consterné par les absurdités du monde qui t'entoure. Néanmoins, le Mangin Palace te propose bien sûr d'organiser ici un beau barnum burlesque consacré aux actualités manipulées par le prince du monde. Alors, chers amis, communions ensemble durant 53 minutes au nom de l'allégresse, de l'extase potache et du jeu d'un Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici donc la liturgie de notre joyeux audio-rama contre les assauts de la morosité. Eh bien, selon notre protocole, nous commencerons bien sûr par notre espiègle office freudien, durant lequel nous dégusterons ce matin l'étouffe chrétien-démocrate, puis la baba du rhume et la fraîche melba. Dans la foulée, nous ferons le point sur les dérapages de ce merveilleux débat du bistrot « Qu'est-ce que l'identité nationale ?». Ensuite, nous descendrons subrepticement dans les sous-sols obscurs et sinueux de l'INA, où nos joyeux fantômes radiophoniques se sont intéressés cette semaine à la formidable histoire chilienne. Une précaution en ce jour d'élection que nous ausculterons ici avec beaucoup d'attention. Immédiatement après, direction Croboul-les-Bains, où nous découvrirons les mésaventures de Monique et Jean-Claude en pleine campagne de vaccination contre la grippe A. Et puis, nous enchaînerons bien sûr avec le curieux dictionnaire imaginaire de notre facétieux reporter. Et ce matin, nous t'offrirons la définition d'un curieux trouble psychique, le syndrome de Stendhal. Et enfin, peu avant midi, afin de ne rien oublier de ces absurdes actualités, notre petit kiosque sévèrement fourni t'ouvrira ses portes pour une authentique mais curieuse revue de presse. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est sacrément bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et réchauffe ton climat social. Seven Nation Army, ce sont les White Stripes en 2003 qui nous balançaient un morceau démentiel pour nous faire vibrer dès les trois premières notes. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble à jouer les trois premières notes du riff de Seven Nation Army. Ça fait bien trois notes. Hein. Eh bien, je relis mes trois notes et à 11h10, je te confirme qu'il est temps de te vautrer confortablement afin d'amorcer ensemble nos modestes péripéties laïques qui s'ouvrent bien sûr avec notre petite session freudienne. Et c'est une farandole de dessert que nous propose ce matin Monsieur Divan Beaujolais qui a su savamment confectionner pour nous l'étouffe chrétien-démocrate, puis la baba du rhume et la fraîche melba. Ne craignons pas l'indigestion et dégustons ces mignardises. Allez, en route maestro, tends bien l'oreille, ainsi soit-il. Cette histoire est tirée de faits réels. Élection régionale, c'est dans un peu plus de trois mois. Ségolène Royal le sait. Non, c'est juste qu'elle aime faire suer le peuple. Et aujourd'hui, Royal récidive. Merde, mais qu'est-ce que t'es chiante en ce moment. Dans sa ligne de mire cette fois, le modem de François Bayrou qui tient ce week-end son congrès national à Arras. Je viens porteuse de paix, d'amour, de justice et de joie. La présidente de Poitou-Charentes propose aux centristes une alliance dès le premier tour des régionales. Allez, sois gentil. Dans son discours de clôture, François Bayrou a décliné l'offre de Ségolène Royal. Imaginez-vous qu'il a pris la mouche. Mais lui garde la main tendue en direction du reste de l'opposition. C'est pas contagieux ce truc-là ? Aucune idée. Roselyne Bachelot est l'invitée de la matinale. Ah super, merci, je sens qu'on va bien se marrer. Et on en est où dans l'approche du pic de la grippe A en France ? On peut le dater chronologiquement ? C'est difficile à dire. Tout ça me fait un peu peur. Mais quand on voit l'accélération de la pandémie, moi je pense... Les spécialistes de la pandémie grippale... Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne vous tordrai pas le bras. Oh non, vous êtes vendeur, ce serait normal. Nous disent qu'on pourrait atteindre un premier pic pandémique au milieu du mois de décembre, vers le 15-20 décembre. On pourrait sortir cette histoire pour Noël, non ? Donc le fait d'atteindre un pic pandémique au milieu du mois de décembre ne signifie pas qu'on sera évidemment épargné. Ouais. C'est plus cher, oui. Par d'autres vagues pandémiques tout au long de l'hiver et du début du printemps. Ça demande psychologie, doigté, souplesse. Bonjour Martine Aubry. Bonjour. Un mot sur le cas Georges Fraîche. Oh non, vous pouvez pas garder ça ici, ça va attirer les bêtes. Qui conduira donc la liste Languedoc-Roussillon. Il avait été exclu du Parti Socialiste pour des propos sur les Noirs de l'équipe de France, pour ses propos sur les harkis qualifiés de sous-hommes. Vous voilà avec une sale affaire sur les bras. Finalement, le PS décide d'entériner sa candidature, pourquoi ? Non, nous n'entérinons pas sa candidature. Vous ne vous y opposez pas, en tout cas. C'est ce que j'ai dit ? Oh non, c'est... Réellement, cette candidature nous a posé un certain nombre de questions. Oh non, c'est quoi ce truc ? Pour ce que vous avez dit, mais aussi de manière générale, pour une façon de gouverner cette région, même si le bilan de Fraîche et de son équipe est un très bon bilan dans la région. N'exagérons rien, on devrait être content. Non, on ne devrait pas. Nous avons décidé hier soir de prendre acte du choix des militants. Oh, et puis merde. Mais de ne pas donner l'investiture nationale à Georges Fraîche. Comme si on avait déjà pas assez de tracas. À écouter le gouvernement, le débat sur l'identité nationale passionne les Français. Comment encore ? Eh bien, pas les députés apparemment. Putain, c'est pas vrai encore. Hier, les élus de la nation n'étaient qu'une soixantaine dans l'hémicycle au début de la discussion. J'espère que tu vas me pardonner, mais là, il faut vraiment que j'y aille. Et seulement une poignée à la fin. Le ministre de l'identité nationale... Me dis pas que t'as oublié ce que c'était. Éric Besson qui a justifié une énième fois le lancement de ce débat. Ouais, c'est ça, tu parles. Entre des considérations déjà mille fois entendues sur la France, son identité, son histoire, l'immigration, la burqa ou les minarets, un débat en forme de jeu de rôle qui ne restera certainement pas dans les annales de la République. Je râle pas, je fais le point. Est-ce un débat qui ne restera pas dans les annales de la République ? Ou bien est-ce un gros boulet et une patate chaude ? Ça dépend des points de vue. En revanche, ce qui est certain, c'est l'agitation cette semaine dans le gouvernement et sa majorité pour recadrer ce débat sur l'identité nationale. Et oui, quand on agite des notions complexes, avec sans doute quelques idées derrière la tête, on risque très vite d'être dépassé par la créature qu'on a créée au point de se questionner quant à la nature profonde des réactions à cette initiative. Elle serait pas un peu... Un peu quoi ? Un peu raciste. Raciste ? Oh non ! Qu'est-ce que tu veux dire ça ? Deux, trois fois, elle a fait des réflexions. Elle n'aime pas beaucoup les Marocains. Non, pas vraiment, non. Ni tellement les Algériens. Et pas trop les Tunisiens. Non plus. En fait, elle n'a pas une passion pour les Maghrébins. C'est pas son truc. Ni pour les Roumains, j'en suis témoin. Effectivement, nous avons tous été témoins ces derniers jours de quelques petits dérapages qui fleurent la France rance. Mais il est formidable ce débat qui veut construire l'identité nationale du futur, car en réalité, il permet de relever de vieilles idées que l'on espérait racines. Moi, j'aime pas les étrangers. Non, parce qu'ils viennent manger le pain des Français. Hein? J'aime pas les étrangers, c'est vrai, c'est comme ça, c'est physique. On devrait être aimable et gentil avec les étrangers qui arrivent, mais moi, j'aime pas les étrangers. Ils viennent manger le pain des Français. Bon, alors tout de suite, la caricature, va-t-on nous dire. Mais pas du tout. Ce débat sur l'identité nationale était sans doute une initiative essentielle et absolument urgente, ne serait-ce que pour permettre à tout un chacun de venir publiquement exprimer son point de vue et ses petits tracas quotidiens. Hier, nous étions tranquillement en famille quand, comment vous dire, des Arabes sont arrivés. Ils ont commencé à embêter Brigitte et on est obligé d'intervenir, quoi. Et il y a eu de la bagarre ? Non, à peine, monsieur. Et je crois même qu'on s'est énervé un peu vite. Et ils n'avaient rien fait de mal, les Arabes. Oui, n'empêche que les gendarmes les ont quand même emmenés. Eh bien, mais c'est très intéressant, tout cela. Bon, très bien, alors vous filez là-bas et moi, je vais m'occuper un peu de ces Arabes. Il a vraiment l'air très fort. On dira ce qu'on voudra, mais la police française est tout de même l'une des meilleures du monde. Oh, quel bonheur! Je ne résiste pas à en remettre une petite couche. On dira ce qu'on voudra, mais la police française est tout de même l'une des meilleures du monde. Bon, tout dépend de ce que l'on entend par « meilleur ». C'est un peu comme pour ce débat sur l'identité nationale. Là, définir ce que signifie être français ne trouvera jamais une définition précise, sinon autoritaire. Mais ça laisse surtout la parole à une partie de l'électorat qui aime beaucoup la ramener, sa conception de l'identité. Bon, d'habitude, c'est au comptoir du bistrot. Alors là, d'un coup, c'est un grand bonheur de pouvoir le faire à la demande du gouvernement. Même si après, bon, faut assumer. Pourquoi tu dis qu'ils sont bêtes ? Mais j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Non. Si t'as dit qu'ils étaient tellement bêtes qu'ils savaient pas la différence entre une bière et un coca, mais c'est pas vrai. J'ai pas dit ça, non, je l'ai dit pour rigoler, je l'ai pas dit d'ailleurs. Pourquoi tu dis aussi que c'est des violeurs ? Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit des voleurs, et encore. Si, l'autre jour. Non, j'ai rien dit, j'assure, je disais ça pour rigoler. Si, tu l'as dit. Bon, alors bois ton coca, mange-toi, on va se tirer maintenant, c'est malsain avec tes conneries. Oui, l'ambiance est plutôt malsaine, au point d'ailleurs que sur le site internet du débat sur l'identité nationale, où chacun peut balancer sa conception de ce qu'est être français, les modérateurs ont dû mettre en place des précautions. Nous tenons à prévenir les auditeurs que face à la virulence du texte qui va suivre, nous avons tenu à censurer ces quelques mots. Ici, le mot « pute » sera remplacé par « et les mots « je t'encule » par « De plus, toute ressemblance avec des personnes qui se sentiraient visées ne serait que pur hasard. Bonne écoute. Je connais aucune victime parmi les gens de mon quartier. Bah moi, je connais que des feignants, des nègres qui vivent sur la sécu et qui s'équipaient, c'est nous. Votre père était raciste. C'est quoi comme question, ça ? La haine, on l'enseigne à un enfant et je me demandais qui vous l'avait j'aime enseigné. J'aime pas les nègres, c'est tout. Et ta mère, est-ce que tu l'aimes bien, fils de... Eh ben, c'est pas gagné. Quand on pense à ce pauvre Éric Besson et à ce malheureux François Fillon qui peinent à défendre ce débat plombé par les dérapages. Au point d'ailleurs que notre président s'est fendu cette semaine d'une tribune dans le journal Le Monde. Hier dans Le Monde, vous avez publié une tribune sur le sujet. Oui, une tribune pour apaiser les tensions que suscite un tel débat. Il y a eu des dérapages et ça suffit. Bravo, c'est vraiment une attitude de président. Évidemment. Je rappelle d'ailleurs les dérapages. On n'est peut-être pas obligé. Si, si, c'est important. J'ai entendu dire qu'il y avait 10 millions d'immigrés en France et qu'ils volaient le pain des Français. C'est n'importe quoi. Ils sont 9 millions à tout casser, c'est pas tous des voleurs. Hein. Il y en a aussi 2-3 qui bossent. Et parmi ceux qui bossent pour défendre ce débat sur l'identité nationale, il y en a un qui s'est distingué. C'est Christian Estrosi, maire de Nice, et ministre chargé de l'industrie. Écoute bien, son analyse, elle est hallucinante. Qu'est-ce que le débat sur notre identité nationale a de si effrayant qu'on devrait éviter d'en parler ? Si à la veille du second conflit mondial, dans un temps où la crise économique envahissait tout, le peuple allemand avait entrepris de s'interroger sur ce qui fonde réellement l'identité allemande, héritière des Lumières, patrie de Goethe et du romantisme, alors peut-être aurions-nous évité l'atroce et douloureux naufrage de la civilisation européenne. Si l'Allemagne des années 30, en pleine crise économique, avait fait un débat sur l'identité nationale, le monde n'aurait pas connu le totalitarisme nazi. Sous-entendu, évidemment, en France aujourd'hui, en pleine crise économique, tout est là pour les mêmes dérives. C'est ce qu'il a voulu dire, M. Estrosi ? Faut oser dire une connerie pareille, quand même. Et oui, dans chaque famille politique, il y a des relous. Tiens, en ce moment, tu l'as sans doute remarqué, la parade des défenseurs du débat sur l'identité nationale, c'est de s'écrier « Ouais, attends, au Parti Socialiste, ils critiquent, mais ils ont Georges Frêche. » Et oui, je te dis, dans chaque famille, il y en a au moins un. Et au PS, c'est Georges Frêche. Dis-moi, j'imagine que tu as des amis un petit peu over the top. Mais est-ce que tu sais ce que c'est qu'un gros lourd ? Un relou, comme disent les nages. Soyons clairs, moi je me suis adressé à des citoyens. Je n'ai absolument pas... Le fait qu'ils soient harkis n'a aucune importance. C'est deux citoyens, membres de l'UMP, qui sont venus m'insulter en me traitant de connard, de cocu. Alors c'est vrai, ça arrive, c'est humain. Je me suis énervé, je les ai envoyés à la pêche. Même quand le relou fait des blagues relourdes, il sait rester discret. J'ai été lynché médiatiquement. Tout ce que j'avais fait depuis 30 ans n'a pas compté. Vous savez, ça m'a fait mal. Mais je n'ai rien pu dire. Je me suis tu. J'ai gardé avec moi le soutien des Montpelliérains, le soutien de tous les gens de la région. Alors regarde bien autour de toi, le relou... Ah, toi ! Le relou peut être n'importe où, tu sais. Ceux qui ont commencé à m'assassiner, c'est les miens. C'est mon propre parti. Et je dirais que ce sont les journaux de gauche, Libération, Le Monde, qui m'ont le plus assassiné. Alors que la presse dite de droite, Le Figaro et tout, a été d'une parfaite correction. Super relou. Thank you for pretending that you can see me in the dark as if I was making sense. And what I meant is what you really heard. 'Cause baby, baby, baby, I'll be what I wanna be. Crazy as it may be, I'll die when I wanna. Lies, set me free. Lies, keep me from my fear. Lies, believe in me. Lies, heavenly shelter. Thank you for pretending that I don't cry and I don't care. That my heart is made of clay and I will keep sailing away. 'Cause baby, baby, baby, I'll be what I wanna be. Crazy as it may be, I'll die when I wanna. Lies, set me free. Lies, keep me from my fear. Lies, believe in me. Lies, heavenly shelter. Pretending that I got some skin around my bones. Thank you for pretending that I'll never, ever, ever let you go. Believe in me. Lies. Oui, autrement dit, libre, c'est ce que revendique ce matin Yodel Ice, tralalaï tout, un brin tyrolien. Alors maintenant, après avoir constaté que ce débat sur l'identité nationale dérape au pays des fromages, il est temps, à 11h25, d'ouvrir notre curieuse séquence consacrée aux informations du lointain. Avant tout, sache qu'aujourd'hui même, au Chili, se déroulent deux scrutins essentiels, les élections législatives et présidentielles. 8 millions de Chiliens sont appelés aux urnes pour élire, entre autres, celui qui va succéder à Michelle Bachelet, présidente socialiste jusqu'au 1er mars prochain, puisqu'ensuite, la Constitution lui interdit d'être réélue, et ce, malgré une popularité de 76%. Les deux candidats à cette succession sont d'une part Eduardo Frei, chrétien démocrate un peu terne, mais dont le père fut assassiné sous la dictature de Pinochet, et d'autre part Sebastián Piñera, bien à droite, dont le frère fut un proche collaborateur économique du général Pinochet, est surtout donné favori dans cette course au pouvoir. Effrayés, bien sûr, par cette perspective, nos joyeux fantômes radiophoniques se sont évidemment intéressés cette semaine à la formidable histoire chilienne. Ainsi, écoute ce que nous rapporte à ce propos notre Bernard l'Ermite, planqué dans sa boîte d'archives. Tends bien l'oreille et découvre ici la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'Ermite. Qui demande la parole ? Cette semaine, à l'INA, nous étions préoccupés par le résultat de l'élection présidentielle chilienne. Alors, mercredi soir, nous avons ouvert un très vieux livre, intitulé « Chili, mon ami » par Raymond Ronze. Et voici ce qu'il nous a dit. Cette étroite bande de terre de 4200 km qui constitue le Chili atteint au sud les régions polaires, terre de la désolation. Au nord, les déserts d'Atacama, également désolés, la séparent du Pérou. La cordillère des Andes la jette dans la plus vaste et la plus déserte des mers, le Pacifique. Comment s'étonner dès lors que les races qui y ont prospéré, isolées du reste du monde, aient toujours prétendu vivre libres, protégées qu'elles étaient par la montagne et par la mer? Mais ce n'était pas tout à fait vrai. Alors, le poète chilien Pablo Neruda a corrigé le livre. Mais après les conquistadors ont appliqué leur système qui a duré jusqu'à maintenant, en divisant la terre en très très peu. Et il y a des partis politiques qui s'appellent des conservateurs. C'est incroyable qu'un parti politique puisse s'appeler conservateur, c'est-à-dire conserver quoi ? Conserver la tradition de pauvreté, de misère, d'ignorance et d'oppression du peuple. Alors, c'est le devoir pas seulement d'un ouvrier ou d'un paysan ou d'un professionnel, mais d'un poète de faire cette lutte. Et en 1970, la lutte a porté ses fruits, selon Yves Morosi. Le président de la République chilienne, Salvador Allende, est en effet un vieux militant du Parti communiste qui est arrivé au pouvoir grâce à une coalition de Front populaire. C'est la première fois qu'un pays se donne un tel régime d'une façon démocratique, c'est-à-dire par des élections libres, sans révolution, sans coup de force. Un beau jour, un pays de 9 millions d'habitants peut passer de notre société au socialisme. Je ne dis rien qu'en arrivant à Santiago, quelle a été votre première impression ? Santiago, c'est une ville libre. Les gens sont quelquefois mal habillés, si vous voulez, mais ils ont l'air heureux. Il n'y a pas de drapeau rouge, on n'entend aucun slogan vengeur. Quelquefois, quelques jeunes braillards qui vont comme le compagnon Allende leur a demandé de travailler dans la campagne. Et puis un calicot sur une usine qui clame son bonheur d'être occupé par les ouvriers. Mais c'est tout. Le chapitre suivant commençait le 11 septembre 1973, avec le coup d'État de Pinochet. Un gros dossier. En tout cas, les États-Unis reconnaissent en toute simplicité qu'ils ont participé à la chute du gouvernement Allende, un épisode dramatique dans l'histoire chilienne qui s'est traduit par la mort du président, la fin de l'expérience socialiste et l'arrivée au pouvoir d'un régime qui fait peu de cas des droits de l'homme. Au Chili, le bilan des affrontements des jours derniers s'élève à 7 morts et près de 80 blessés. Santiago s'apprête à vivre une nouvelle journée d'émeute aujourd'hui, jour du 10e anniversaire de la prise du pouvoir par le général Pinochet. Aujourd'hui, je commencerai le journal en citant les dernières déclarations du général Pinochet. Le Chili reste un exemple de démocratie dans le monde où la justice et les droits de l'homme prennent leur véritable signification. C'était donc les dernières déclarations du général Pinochet. Si vous permettez une opinion personnelle, je dirais... Et dire que certains croient encore que sous une dictature, les honnêtes citoyens peuvent dormir tranquilles. Enfin, je gardais cette information pour la fine bouche. À Quillota, au Chili, un homme s'est juré de ne plus jamais sourire tant qu'il n'aurait pas récupéré son dentier. Dentier qu'on lui a volé, tenez-vous bien, alors qu'il faisait la sieste sous un arbre et dormait donc tranquillement la bouche ouverte. Ce Chilien, au sommeil plutôt lourd, ne s'est même pas rendu compte qu'on lui volait son dentier. Effet plus grave, il n'a même pas pu garder une seule dent contre son voleur. Merci beaucoup, Flora Bernard, d'avoir filé ce bon coup de Santiago, souvenir du général Pinochet. Mais après cette excursion dans des contrées lointaines, il est l'heure maintenant de revenir à nos actualités locales et foutraques. Voici notre décrochage de proximité, direction Gros Boule les Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, toujours en direct du Manche Impalace, il est grand temps à 11h31 de retrouver nos deux agrippés, Monique et Jean-Claude bien sûr, qui viennent de vivre, figure-toi, une drôle d'expérience médicale ces derniers jours. Tout a commencé mardi matin au petit déjeuner. Comme d'habitude, vers 8h20, toute la petite famille est réunie dans la cuisine pour engloutir une tasse de café et s'empiffrer de quelques tartines suivies d'un kiwi. À la radio, l'invité politique de France Inter mardi dernier, c'était Madame Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, venue au micro pour faire le point sur l'épidémie de la grippe A. Évidemment, Monique et Jean-Claude sont très attentifs pendant l'interview, puisqu'ils veulent savoir s'il faut avoir peur ou non de ce vaccin. Et là, à 8h20, Madame Bachelot a rassuré tout le monde. La grippe A, c'est des symptômes horribles. Vous avez tout d'abord des pustules qui vous recouvre le corps. Ensuite, c'est les douleurs d'estomac. Et après, vous avez un petit être qui sort de votre ventre avec une longue mâchoire. Comme dans Alien ? En pire, parce qu'en plus, vous avez mal à la gorge. Bon, forcément, c'est immédiatement la panique chez Jean-Claude et Monique mardi matin. Traumatisés, bien sûr, les mômes refusent d'aller à l'école. Quant à Monique, elle veut impérativement se faire vacciner dans la journée. Seul Jean-Claude, très zen, tente d'apaiser les angoisses de chacun. Bon, déjà, le vaccin est disponible, mais en plus, si vous êtes malade, poursuit Jean-Claude, il existe un médicament. Tamiflu, Tamiflu, seulement sur ordonnance, oui, la pandémie à court laboratoire, c'est tire la bourre. Tamiflu, Tamiflu, dans la file d'attente, oui, on piquera tour à tour sans oublier Kouchner et les yogourts. Oui, avec son esprit potache, Jean-Claude rassure très vite toute sa petite famille. Face à la peur, il sait qu'il faut avoir parfois un esprit un peu déconneur. Néanmoins, cette histoire de vaccination contre la grippe A s'est poursuivie mardi soir. Et quelle ne fut pas la surprise du Jean-Claude quand, à 18h30, la sonnette de la maison retentit. J'y vais. Bonsoir, monsieur. Nous avons reçu l'ordre d'évacuer la population. Vous devez nous suivre. Quoi ? Quitter la maison ? Pourquoi ? Je répète ! Si vous n'avez pas besoin de soins médicaux, installez-vous sur un lit de camp disponible. Conservez votre calme et attendez de nouvelles instructions. Non mais tu as vu ce chantier ? J'espère qu'ils vont trouver le responsable et qu'ils vont le suspendre par les pouces. Oui, Monique est folle furieuse de se retrouver dans ce gymnase mardi soir. Mais pourquoi ? Eh bien vois-tu, à Gros Boule les Bains, personne n'est venu se faire vacciner depuis le début de la campagne. C'est la méfiance. Du coup, les autorités locales, sur recommandation du préfet, ont décidé de rendre la vaccination obligatoire pour tous dans ce village d'irréductibles. Ainsi, mardi soir, tous les gros boulets ont été réunis par l'armée dans le gymnase communal. Attends, ça c'est un coup à choper la grippe justement, s'inquiète Monique. Mais bon, Jean-Claude, lui, il s'en fout. Même devant un voisin qui tousse, il n'a peur de rien. Tu veux un mouchoir ? Alors écoute, j'ai un petit tuyau à te donner. Tu sais pourquoi moi je suis jamais enrhumé ? Non. Parce que j'ai un grog, un spécial JC, un tiers rhum blanc, un tiers rhum brun, un peu de poire et un peu de cassis. Tiens, allez vas-y, bois cul sec, ils vont dire les nouvelles. Les microbes, ils vont tomber. Allez hop ! Ah ! Ah ! Parfois, Monique est consternée par la connerie du Jean-Claude. Cela dit, dans ce gymnase, au milieu de cette foule, pendant que Jean-Claude fait l'imbécile, Monique s'aperçoit que c'est aussi l'occasion de rencontrer des gens, de discuter dans la file d'attente. Ça crée du lien social, cette vaccination contre la grippe. Et d'ailleurs, voilà un type charmant qui adresse la parole à Monique. Ma grippe vous va très bien. Bah dis-moi, maman, ce soir, ça vous donne un joli teint. Ça vous va mieux que le noir. Ma grippe vous va très bien. Oui, enfin, Jean-Claude n'est pas complètement con non plus. C'est quoi ce mec qui veut refiler sa grippe à Monique, là ? Ça va pas, non ? Immédiatement, Jean-Claude met les choses au point avec ce type. Il n'y a qu'un chef ici. Et c'est moi. Capitule ? Ouais. Oui, qui ? Oui, chef. Alors, les règles du jeu sont claires. Ou tu te tiens peinard et tout se passera très bien, ou tu fais le malin. Mais là, je vais te pourrir ta vie. Et tu peux me faire confiance parce que de pourrir la vie des gens, c'est mon métier. Capitché ? C'est alors qu'entre dans le gymnase l'adjudant-chef chargé de superviser cette étrange opération de vaccination obligatoire à Grosboul-les-Bains. Et après avoir repéré le cirque du Jean-Claude à l'instant, l'adjudant-chef s'avance vers lui et lui pose une question. Qui parle anglais ici ? Vous parlez bien ? Pas mal. Pas mal, chef ? Pas mal, chef. Pas mal ou bien ? Bien, chef. Comment dit-on WC en anglais ? WC ? Water closet. La même chose, water closet. Water closet qui ? Water closet, chef. Bien. Allez jusqu'au placard. À l'intérieur, vous trouverez un balai, un seau, une serpillière et de la javel. Vous irez nettoyer les water closet de droite. Il est 7 heures. Je veux qu'à 8 heures, on puisse y faire un pique-nique. Compris ? Exécution. J'aime pas les vantards. Ainsi, Jean-Claude vient de se faire bâcher par le sous-officier et se retrouve de corvée. Au moins, il aura les mains propres, se dit-il. Et pendant que Jean-Claude astique, arrive le tour de Monique de se faire vacciner. Au passage, c'est elle la première du village et ce sont donc des équipes médicales militaires qui mènent ce soir la guerre contre la grippe A. Néanmoins, Monique n'est pas très rassurée ni par l'infirmière ni par ses deux auxiliaires militaires. Bon, elle va apporter la piqûre, moi je vais chercher mon guide médical. Et il faut un guide médical pour quoi foutre ? Pour voir, j'ai jamais fait de piqûre, j'ai jamais fait d'injection. Jamais fait, je vais chercher la seringue. Je fais aussi vite que je peux, hein. Qu'est-ce que tu cherches ? J'en sais rien, moi, mon cas. Qu'est-ce que tu cherches ? Mon petit guide médical. Quoi ? Qu'est-ce que tu cherches ? Mon petit guide médical, merde, il est noir. C'est une espèce de manuel pour les infirmières. J'ai jamais vu ce truc-là de ma vie. Oui, bah je te dis que j'en ai un. Si c'est tellement important, fallait le mettre avec la seringue. D'accord, arrête de m'emmerder. Connard. Fous-moi le camp, laisse-moi passer. Effrayé par cette incompétence médicale, le gymnase tout entier commence à s'affoler. Des cris, des bousculades, c'est la débandade. Monique embarque alors Fissa, ses deux mômes, et récupère Jean-Claude au passage. Ainsi, mardi soir à Grosboul-les-Bains, il n'y avait toujours personne de vacciné contre la grippe A. Fin de l'histoire. Cela dit, depuis quelques jours, Monique hésite. Désormais, elle se dit quand même, il y a un vaccin, bon sang, alors c'est idiot de ne pas se protéger et de protéger les autres. Mais de son côté, Jean-Claude, lui, a un avis très différent sur l'opportunité de ce vaccin. C'est à travers des laboratoires que les scientifiques en action contemplaient un vaccin bizarre, sans soucier du camp dira-t-on. Ils auraient trouvé ces commères dans cet endroit précis, une solution venue de l'enfer pour être sûr de faire du profit. Car à la grippe, tout le monde se précipite devant sa télévision. Sauf les 5000 cas de grippe qui restent inertes dans les dredons. On nous annonce une pandémie, c'est ce que disent les médias. C'est encore que des conneries, faire oublier la crise de Nicolas. Car à la grippe. Bien. Alors maintenant, toujours en direct du Mansion Palace à 11h40, après cette paranoïa légitime ou pas du Jean-Claude face au vaccin de la grippe A, libre à toi de choisir, il est temps désormais, bien sûr, de retrouver notre petit reportage Made in Panic. Et ce matin, pour Monsieur Julien Dugast, dans son dictionnaire imaginaire, le trouble psychique qui compte triple, c'est le syndrome de Stendhal. Avant tout, tu n'ignores point qu'il était impossible cette semaine de visiter certains musées nationaux puisqu'ils étaient en grève pour manifester contre la suppression des postes. C'est très à la mode en ce moment, d'autant plus dans la sphère culturelle, c'est tellement inutile et improductif un musée. Néanmoins, sans le savoir, certains d'entre vous ont été du coup épargnés d'un danger qui rôde dans les galeries d'un musée, le syndrome de Stendhal. Ainsi, grâce au docteur Youssek Mahmoudia, responsable des urgences psychiatriques de l'Hôtel Dieu à Paris, découvrons ensemble, juste après la virgule, certains risques encourus devant une œuvre d'art. Avec les lettres W, Q et T, je forme le mot WACT. 12 consonnes, 5 voyelles. Oula, syndrome de Stendhal. C'est une psychiatre florentine, Graziani, si mes souvenirs sont exacts, qui a rencontré quelques patients qui présentaient des troubles du comportement. Elle les a rattachés à l'expérience qu'a vécu Stendhal, qui n'avait rien à voir sur le plan clinique avec ses patients. Quand on n'y a pas travaillé, on ne peut pas se rendre compte. Du musée ? Personne ne voit. Personne ne peut. Stendhal, au cours de l'un de ses voyages en Italie, il en a fait tellement. C'est un amoureux de l'Italie, un grand romantique. Donc, dans ses carnets de voyage, il a décrit une réaction émotionnelle qu'il avait présentée lors de la visite de l'église de Santa Croce, voilà, où il y avait le tombeau de Michel-Ange, où il y avait également des tableaux, des fresques et tout. Et devant cette beauté du lieu, il a eu une réaction émotionnelle majeure, caractérisée par des sensations vertigineuses, des palpitations, c'est-à-dire que le cœur qui s'accélérait, des sueurs. Ça a duré quelques secondes et il a retrouvé tous ses esprits. Voilà. Je suis entrée dans le tableau, c'était comme si, tout à coup, je plongeais dedans. Je sais, ça paraît fou. Ce qui vous est arrivé à la galerie des offices, nous l'appelons le syndrome de Stendhal. C'était pas une pathologie ni quoi que ce soit, c'est une réaction émotionnelle, pas plus. Que l'on peut observer un peu partout, tout dépend de la personnalité de chacun. Mais il n'y a pas de trouble du comportement, un état délirant ou un état d'agitation ou quoi que ce soit. Le syndrome de Stendhal, un voyage angoissant dans un monde de terreur indicible. À la différence de ce qu'a observé cette psychiatre de Florence, où il y avait des états délirants chez certains patients, dans la même église. Mais cela n'a rien à voir avec ce qu'a éprouvé Stendhal. Exposition permanente ou temporaire ? Modigliani. Temporaire, 4, dont 2 enfants. Vous l'avez pas tout le temps ? Pardon ? Modigliani, vous l'avez pas tout le temps ? Non, l'exposition se termine le 3 décembre. C'est pas risqué pour les enfants ? Modigliani ? Oui, un peintre temporaire. C'est un grand artiste. Peut-être, mais c'est la première fois qu'ils vont au musée. J'aimerais entendre leur montrer quelqu'un de stable. C'est un peintre majeur, madame. Oui, mais vous ne les gardez pas. C'est pas un très bon exemple pour les enfants, un artiste qui s'est fait renvoyer du musée dans une semaine. Reconnaissez. Comment on s'est retrouvé avec ce qui est devenu une légende ? Disons que finalement, on pouvait avoir un grand choc psychologique devant une œuvre d'art, un tableau. On peut présenter une pathologie psychiatrique aiguë, c'est-à-dire d'un état délirant, des troubles du comportement, si on est prédisposé. Le lieu importe peu. On peut faire cet état, présenter cet état délirant, soit chez soi, soit sur la voie publique, soit dans un musée. Pour nous, ce n'est pas un facteur déclenchant de la maladie. ni plus ni moins. C'est pas une, beauté de, d'un tableau qui va déclencher une maladie mentale. Well, ladies, let's go to see the masterpieces of Paul Gauguin. Paul Gauguin? Non, Paul Gauguin. Paul Gauguin? Non, Paul Gauguin. Paul Gauguin. Paul Gauguin? Non, Paul... Bon, on y va. Alors, quant à moi, je prends mes 3T et mes 3X, ce qui donne le mot... Pas l'animal aquatique nocturne. Oui. Oui. Bon, désormais tu es prévenu. Le syndrome de Stendhal est peut-être une légende ou pas. Alors méfie-toi d'une banale visite au musée, on ne sait jamais. Le choc émotionnel peut s'avérer intense. Cela dit, tentons maintenant une expérience, car il paraît que si tu entends la voix d'Alain Cuny réciter un texte d'Antonin Artaud consacré à un peintre majeur, tu peux également ressentir de sacrés troubles psychiques. Allons-y. On peut parler de la bonne santé mentale de Van Gogh, qui dans toute sa vie ne s'est fait cuire qu'une main et n'a pas fait plus pour le reste que de se trancher une fois l'oreille gauche. Dans un monde où on mange chaque jour du vagin cuit à la sauce verte, et ceci n'est pas une image, mais un fait abondamment et quotidiennement répété et cultivé à travers toute la terre. Ce soir j'attends Madeleine, j'ai apporté du lilas, j'en apporte toutes les semaines. Madeleine, elle aime bien ça. Ce soir j'attends Madeleine, on prendra le 30-33 pour manger des frites chez Eugène. Madeleine, elle aime tant ça. Madeleine, c'est mon Noël, c'est mon Amérique à moi, même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Joël. Mais ce soir j'attends Madeleine, on ira au cinéma, je lui dirai des je t'aime. Madeleine, elle aime tant ça, elle est tellement jolie. Elle est tellement tout ça, elle est toute ma vie, Madeleine, que j'attends là, là. Ce soir j'attends Madeleine, mais il pleut sur mes lilas, il pleut comme toutes les semaines, et Madeleine n'arrive pas. Ce soir j'attends Madeleine, c'est trop tard pour le 30-33, trop tard pour les frites de chêne. Madeleine n'arrive pas. Madeleine, c'est mon horizon, c'est mon Amérique à moi, même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Gaston. Mais ce soir j'attends Madeleine, il me reste le cinéma, je pourrais lui dire des je t'aime. Madeleine, elle aime tant ça, elle est tellement jolie, elle est tellement tout ça, elle est toute ma vie, Madeleine, qui n'arrive pas. Ce soir, j'attendais Madeleine, mais j'ai jeté mes lilas, je les ai jetés comme toutes les semaines, Madeleine ne viendra pas. Ce soir, j'attendais Madeleine, c'est fichu pour le cinéma, je reste avec mes je t'aime, Madeleine ne viendra pas. Madeleine, c'est mon espoir, c'est mon Amérique à moi, mais sûr qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Gaspard. Ce soir, j'attendais Madeleine, tiens, le dernier drame s'en va, on doit fermer chez Eugène, Madeleine ne viendra pas. Elle est pourtant tellement jolie, elle est pourtant tellement tout ça, elle est pourtant toute ma vie, Madeleine, qui ne viendra pas. Mais demain, j'attendrai Madeleine, je rapporterai des lilas, j'en apporterai toute la semaine, Madeleine, elle aimera ça. Demain, j'attendrai Madeleine, on prendra le 30-33 pour manger des frites chez Eugène. Madeleine, elle aimera ça. Madeleine, c'est mon espoir, c'est mon Amérique à moi, tant pis si elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Gaspard. Demain, j'attendrai Madeleine, on ira au cinéma, je lui dirai des je t'aime, et Madeleine, elle aimera ça. Madeleine, c'était évidemment Jacques Brel en 1962. Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui d'un petit morceau de Madeleine que le dimanche matin à Combray, ma tante Léonie m'offrait après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. La Madeleine, ce petit coquillage de pâtisserie si grassement sensuel sous son plissage sévère et dévot. Oh, de dessert, c'est une bûche ? Non, c'est Cloug. Ah non, non, non, non, non, non. Non, mais il nous jetterait à la rue sans sucre, lui. Mais moi, j'en veux du dessert. Oui, écoute, en réfléchissant, moi je suis grasse comme un loukoum. Alors, je vais m'abstenir. Alors maintenant, à 11h50, nous retrouvons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit afin de compléter au mieux notre petit tour d'horizon déjanté de l'actualité. Ainsi, la panique au Mangin Palace ouvre son petit kiosque à journaux. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Alors, comme tout palace qui se respecte, le Mangin Palace, bien sûr, dispose d'un petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Et afin de ne rien oublier d'essentiel, Monsieur Mauduit, ici présent, s'est chargé pour nous de feuilleter la presse. Bonjour Mauduit. Salut Colin. Alors, que dit la presse cette semaine, camarade? Ah Philippe, c'est merveilleux de voir à quel point la presse s'intéresse à nos passions, mais surtout à nos répulsions. Et commençons justement par une affection meurtrie. J'ai vérifié la définition dans le dictionnaire des gens du monde ou petit cours de morale à l'usage de la cour et de la ville paru en 1818. L'affection, c'est ce sentiment désintéressé, moins vif que l'amour et plus tendre que l'amitié. Car la France inter est évidemment très affectée par tout ce qui arrive à notre Johnny National. Un moment pas très agréable à vivre, hein, mais qui a une conséquence positive pour au moins une personne sur Terre. Enfin en France quoi. Regardez Philippe, Éric Besson, je vous laisse lire le titre, la une du magazine Marianne. Alors arrêtez-le, Éric Besson, l'homme le plus détesté de France. Eh ben non, c'est fini, à mon avis Éric Besson vient de passer à la deuxième place, hein, parce que là, non, c'est pas lui, c'est évidemment Stéphane Delajoux, le chirurgien tête à claque qui aurait massacré notre Johnny au dire des proches de la star. Vous avez suivi ça, ah Philippe. Oui. On savait à peine qui c'était, ce Gus, là, il y a quelques jours. Et d'un coup, c'est l'homme le plus haï de France, plus que Besson et Domenech réunis. Pas peu dire. Et en plus, le coco, là, il vient de se faire agresser à son domicile. C'est le Parisien qui nous raconte ça. Il nous dit qu'il s'agit de deux individus sans armes, mais cagoulés. Ouh. Bon, on n'en sait pas plus quant à la description. Hein. Oh, Philippe, excusez-moi, j'entends un auditeur qui vient de dire à côté de son transistor, mais cet auditeur... C'est Diego, libre dans sa tête, qui soupçonne ses agresseurs de porter des blousons à franges et des t-shirts noirs avec un aigle ou un husky dessiné dessus. Oui, pourquoi pas. Bon, Philippe, voilà, c'est quand même assez incroyable tout ce qui se passe. Hein. On est tiraillé entre émotion et colère. Bon, moi, je pense hein, qu'il a intérêt à être responsable, ce chirurgien, parce que sinon, en tout cas, il ne faut pas qu'il s'attende à des excuses de la part de tous ceux qui l'accablent aujourd'hui. Et pardon, excusez-moi, Philippe, j'entends un auditeur. Et c'est Tennessee, vous savez sans doute pourquoi. Bah oui, on a tous quelque chose en nous. Eh oui, qui vient de dire que pour cacher son cocard et pour se cacher tout court, le chirurgien bizarre n'a qu'à mettre une paire de lunettes, on va pas dire la marque, mais enfin il doit connaître un ancien patient qui connaît un bon opticien. Voilà, bon, non, faut quand même faire preuve de modération avec toute cette histoire. Tenez, par exemple, l'agence France Presse. Nous apprend que José Antonio Sampaio Rodriguez, le directeur de la circulation de la municipalité de Pachuca, près de Mexico, lui sait faire preuve d'une grande modération. Voilà, il vient d'annoncer les dispositions du nouveau code local de la route qui stipule que les particuliers ne peuvent pas transporter de cadavres dans leur voiture. C'est mal. Fallait un décret hein, pour ça. Pas de cadavres dans les voitures. Non, c'est une décision qui se comprend dans le contexte de la guerre des cartels qui a fait tout de même 14 000 morts ces 3 dernières années au Mexique. C'est quand même énorme. Bon, ils sont comme ça, les trafiquants. Enfin, on les connaît, ils éliminent systématiquement tous les vendus et les renégats. D'ailleurs, ce mois-ci, il y a un magazine qui s'intéresse au sujet hein, en consacrant un numéro spécial aux grands traîtres de l'histoire. Et oh là, Philippe, un peu partout en France, je viens d'entendre murmurer le nom d'un ministre. Ouh, c'est vilain! Non, c'est le mensuel Historia qui s'intéresse aux traîtres classés par rubrique. C'est bien fichu, hein. Traître par idéal, par intérêt, par vengeance ou bien sous la contrainte. Alors, il y a du beau monde, hein. Alcibiade, Brutus, Jean sans peur, Dumouriez, Bazaine, il y en a plein d'autres. Des gens en qui on ne peut avoir aucune confiance. Et ah, Philippe, je les entends hurler partout. Une auditrice notamment qui vient de dire « Stéphane Delajoux ». C'est évidemment Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour étrangle ma vie, qui ne supporte pas l'idée qu'une opération pour une hernie discale se soit terminée en coup de couteau dans le dos. Bon, écoutez, laissons les experts décider du sort de ce soi-disant chirurgien des stars. Ben, si, il a un peu de temps libre, là, je pense. Il peut se rendre, en tout cas, à Boulogne, dans le Tarn-et-Garonne, ce chirurgien, parce qu'il pourra soigner l'ulcère de Jean-Claude. Ah. Et oui, Monique l'a déclaré aux journalistes de la Dépêche du Midi. Le caractère de Jean-Claude a changé. Il dort mal, il s'énerve. Son caractère s'est gâté. Non, c'est un auditeur qui a eu l'excellente idée de nous envoyer cet article paru samedi dernier dans la Dépêche du Midi qui raconte le calvaire de Monique et Jean-Claude depuis que leur bicoque est cerné par des éoliennes. Ouais. Ah oui, oui, oui. Alors bon... T'es pas au courant. Ben voilà. Nous, ça nous confirme une chose, c'est qu'il y a des clones de Monique et Jean-Claude qui investissent peu à peu tout le territoire et nous en sommes très fiers. Bon d'accord, ce ne sont pas les originaux, mais on les aime quand même parce que ce qui n'est pas authentique n'est parfois pas si déplaisant, Philippe. Le quotidien, l'Alsace, le pays, nous apprenait le week-end dernier qu'un magnifique affabulateur vient d'être condamné à 2 mois de prison avec sursis. Depuis un an, ce type écumait tous les vins d'honneur en uniforme de commandant. Mais ce qui est énorme, c'est que le Gugus, il avait pour expérience militaire que son passage à l'armée, comme appelé, c'était en 75-76. Bon, il avait fini caporal-chef, enfin, quand même pas commandant. Alors, surtout le gros malin, avec des documents falsifiés, il avait réussi à obtenir tout un tas de médailles. Il a eu la croix du combattant, la médaille de la valeur militaire. C'est incroyable. Ouais, ouais. Bon, alors, il explique qu'il a fait tout ça pour le plaisir de parader dans les pince-fesses des anciens combattants. C'est bizarre. Bon, c'était son théâtre des opérations favori. Il a même obtenu la médaille de la reconnaissance nationale. Bon, chacun ses petites perversions, mais celle-ci a moins de conséquences que d'autres qui adorent aussi les réceptions mondaines qui opèrent ensuite pour obtenir l'indignation nationale. Merci, Monsieur Mauduit, pour cette formidable revue de presse. À la semaine prochaine, le kiosque referme ses portes. Voilà, fin du 183e épisode. Tout le monde descend, faites gaffe. De ne rien avoir oublié, c'était les actualités revues et corrigées par la bande de furieux de la panique au Mangin Palace. Une émission coécrite les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie très chaleureusement. Merci à toi, monsieur Xavier, aux platines et à la réalisation. Il y avait bien sûr ce matin le maestro H2M qui souffre du dos mais qui est là quand même. Merci beaucoup Henri-Marc Muquel, merci beaucoup Marco. Assisté aujourd'hui à la technique de Rémi Quincé et de Pierrick Monsigny. Merci à beaucoup à vous deux, c'était parfait. Pour la préparation des clips sonores, on dit merci beaucoup à Flora Bernard, Julien Dugast, Claire-Sophie Collet, Yvan Beaugelet et Elsa Denac. Pour les scuds, on a l'inépuisable Thierry Dupin qu'on remercie également vivement. Merci aussi à Olivier Lefaillère pour ses idées complémentaires, ainsi qu'au formidable documentaliste de l'INA et à Aloïs Riard, notre stagiaire. Voilà, pour toutes les informations supplémentaires, la panique au Mangin Palace possède un site internet savamment ripolliné sur franceinter.com où vous pourrez dans quelques minutes récupérer l'émission pour une balado-diffusion, autrement dit le podcast. Et d'ailleurs, il y a aussi une nouvelle rubrique qui s'appelle La Galaxie de Monique et Jean-Claude, histoire de faire le point sur ces curieux héros. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouverez Marie-Pierre Planchon pour sa propre recette du crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve dès samedi à 11h pour la cellule de dégrisement, l'actualité culturelle à la sauce panique. Et dimanche prochain, toujours à 11h et en direct sur France Inter, pour de nouvelles aventures archi-loufoques et total foutraque, bien sûr. Mais en attendant, d'ici là, un seul mot d'ordre. Surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. On fait pas une deuxième prise. Comment? Ah, c'était en direct? Ah, je savais pas que c'était en direct.